pour les autres, vous pouvez prendre dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Ce matin, on commence ce nouveau livre. On avait commencé, je vous l'avais dit quand on avait commencé l'étude de Thessaloniciens, qu'on fait les deux livres. Et la raison, c'est parce qu'on avait étudié le livre de l'Apocalypse. Et certains d'entre vous m'avaient demandé comment est-ce qu'on avait parlé de l'enlèvement. Et donc, on a commencé à le voir. J'ai dit qu'on était pour regarder 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, parce que c'est les deux livres qui en parlent le plus de l'enlèvement. Donc, on va regarder ça ensemble. Et là, on a fini le numéro 1, le Thessaloniciens. Et on va faire le numéro 2 maintenant, à partir de ce matin. Y a-t-il qui se souviennent? Je pourrais me résumer dans une phrase ou deux. Qu'est-ce que le premier livre de Thessaloniciens nous a dit face à l'enlèvement? Oh, oh, oh, oh. Pas le Père Noël, moi, là, mais... Je dis qu'ils s'en souviennent. L'apôtre Paul a dit à ceux qui étaient morts déjà, qui étaient déjà morts, puis les chrétiens se troublaient. Qu'est-ce qui va arriver avec nos frères, nos sœurs qui sont morts? Et le Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Ça les troublait. Parce que la plupart des chrétiens, je vous garantis, la plupart des chrétiens qui ont vu partir Jésus, monter au ciel, ne pensaient pas qu'ils mourraient avant Jésus soit venu. C'est pour ça qu'ils étaient si troublés par le fait que les chrétiens avaient commencé à mourir et le Seigneur n'était pas venu. Qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? Il a dit, au signal de la trompette de Dieu, d'un archange. Il n'a pas dit la trompette, mais il dit de la dernière trompette de Dieu. Ou la dernière trompette. Qu'est-ce qui va arriver premièrement? Les morts en Christ vont ressusciter. Ils ne devanceront pas ceux qui sont encore sur la terre. Ceux qui sont morts, sont chrétiens, vont sortir de la tombe, vont être ressuscités avec un nouveau corps. Et ceux qui sont sur la terre vont être transformés et changés, et ensemble, les morts et les vivants, chrétiens, vont monter ensemble sur les nuées avec Dieu dans le ciel, pour toujours, avec le Seigneur Jésus. Donc, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que l'enlèvement va avoir lieu à la dernière trompette. Et ça va avoir lieu en même temps que la résurrection. Fait que ça nous donne un indice. C'est pas avant, c'est la résurrection des morts et des vivants en Christ. Pas les autres. Ceux qui ne sont pas morts en Christ ne vont pas ressusciter en même temps. Et ceux qui ne sont pas en Christ ne vont pas être transformés et montés ensemble à la rencontre du Seigneur. Donc le Seigneur n'est pas descendu sur la terre, mais on monte à sa rencontre dans les nuées. Donc on va le rencontrer à quelque part entre les deux. Cette journée-là, mais on va être sûr qu'il va y avoir au moins un nuage. Parce qu'il va monter sur les nuées. On va avoir au moins un nuage quelque part, pour qu'on pourrait monter dessus, le rejoindre et monter dans le ciel avec lui. Ça, c'est la première chose qu'on a entendue l'enlèvement. Et ce matin, on va commencer l'Apocalypse, 2 Thessaloniciens, et on va parler encore de ça. Ce matin, on ne parlera pas directement d'enlèvement, mais dans le deuxième chapitre, on va en parler plus clairement. C'est toujours important que je vous encourage, quand vous lisez un livre de la Bible, trouvez-vous un livre qui vous donne le contexte biblique. Trouvez-vous un livre où quelqu'un va vous dire « Paul a écrit la deuxième épître aux Thessaloniciens, voici la raison. » Si vous ne connaissez pas la raison, probablement vous allez lire les textes et vous allez faire dire au texte des choses qu'il ne veut pas dire. Parce que c'est important. Les gens qui ont reçu la lettre de Paul vivaient des choses. Vivaient des choses. Croyait des choses, pensait des choses, que nous, peut-être, on ne pense pas aujourd'hui. Mais les autres, ils l'ont reçu la lettre dans cet état-là, et ça les a donné de comprendre ce que Paul est en train de dire. Et Paul savait ce qu'il vivait, donc il a écrit par rapport à ça. C'est comme moi, si je rencontre quelqu'un ou j'écris à quelqu'un un petit courriel, puis je leur dis, hein, dans le contexte que je sais, ça va faire du sens pour celui qui reçoit le courriel. Mais c'est lui qui prendrait le courriel et lirait sans comprendre pourquoi je l'écris. Il pourrait dire, mais François, il dit des choses bizarres. C'est bizarre pour toi parce que tu n'es pas dans le même contexte que celui à qui je l'écris. Je vous encourage à vous trouver des livres, des dictionnaires bibliques, ou de parler avec quelqu'un, je ne sais pas le contexte. Où il y a des bibles qui se vendent dans la première page, il y a une page ou deux avant le livre qui donne des informations, quand c'est écrit, par qui c'est écrit, et vous pouvez en vérifier deux fois comme ça, peut-être, de vous protéger, pour ne pas prendre pour acquis que celui qui dit ça, ça ne peut pas marquer dans la Bible, ça. Ces pages-là, quand vous trouvez dans les êtres humains. OK? La chose la plus, une des choses les plus importantes qui va ressortir ici, qui va ressortir dans la première épître aux Thessaloniciens, l'Église de Thessalonique vivait quelque chose d'important, qui ressort dans les deux épîtres. Pas beaucoup, pas très long, 5 chapitres, 3 chapitres, mais la même vérité ressort une dizaine de fois. Quand ça dit ça souvent, mais c'est parce que c'est important que l'auteur comprenne bien, pas le lecteur comprenne bien ce que l'auteur veut dire. Qu'est-ce que les Thessaloniciens vivaient? Intensément, c'était la persécution. On va lire les versets ensemble, il y a des dizaines de versets dans les deux épîtres, où est-ce que Paul leur dit qu'ils sont très persécutés, il veut les encourager à rester accrochés au Seigneur malgré tout ce qu'elle dit. Si on part sur de vue, vous allez appliquer le texte à des chrétiens qui, des fois, ne sont pas dans des temps de persécution et que ça ne s'adresse pas à des gens dans des temps de persécution. Et là, vous allez voir que ça fait tout sens à un moment donné, le texte. Et quand je le comprends et je le reçois comme quelqu'un qui est très persécuté pour sa foi et qui a envie de lâcher à cause de ça, ça fait du sens, tout d'un coup, les vérités qui m'arrivent de l'apôtre Paul. Ça fait un sens dans ma vie et ça change ma vie, ça transforme ma vie. Si je ne le prends pas comme cela, ça peut devenir un petit peu plus dangereux à ce moment-là. Quand on souffre, c'est quoi qu'on veut faire en premier? La première chose qu'on veut faire quand on souffre, c'est quoi? Donald? Finir la souffrance! C'est finir la souffrance! Oh, si ça peut s'arrêter, la souffrance! Puis on va faire tout ce qu'on peut, imaginable et possible, pour que la souffrance parte. Si ça ne veut pas partir, on va la geler. On prend quelques pilules, puis ah, elle ne la sent plus. Elle est encore là? Ben oui, elle est encore là. Mais on ne la sent plus, on s'est gelé les neurones un petit peu. Je n'ai pas défendu, là. Mais elle est encore là, la souffrance. Non, on est prêt à faire. J'avais lu un livre une fois, guérison à n'importe quel prix. C'est un homme qui écrivait ça, un médecin chrétien, qui disait à quel point les chrétiens, même les chrétiens, quand ils souffrent, sont prêts à faire toutes sortes de petites choses, des fois bizarres, horribles, pour sortir de la souffrance. Et même des fois, on peut être tendance à de danger. C'est pas de prendre la pilule, le danger, c'est de croire à des mensonges pour éviter la souffrance. Ici, l'apôtre Paul veut leur écrire, surtout dans les deuxièmes épîtres, il va leur dire des choses, parce qu'il y a des troubles dans l'Église doctrinaux, qui fait que les chrétiens sont troublés, parce qu'ils souffrent tellement, qu'ils cherchent une porte de sortie, puis il y en a qui ont appris une porte de sortie qui était la fausse doctrine. Et Paul veut redresser ça par la vérité, afin qu'ils puissent persévérer, mais avec pas un anesthésique spirituel, mais avec la vérité, pour les garder dans la foi. On va lire quelques textes, si vous voulez bien, juste pour vous convaincre avec moi que ça a été écrit à des gens qui étaient dans la persécution et dans l'affliction. 1 Thessaloniciens 1:6. Quelqu'un veut lire? Beaucoup d'affliction. 1 Thessaloniciens 3:3. Des afflictions, ébranlées. Faites attention de ne pas être ébranlé. Hein? 1 Thessaloniciens 3:4. Thessaloniciens 4:13. Pas triste, là, c'est pas affligé, c'est une chose. Là, on va tomber dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 1:4. Paul se réjouit qu'ils sont persévérants malgré tout cela. 2 Thessaloniciens 1, 6. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. 1 Thessaloniciens 2, 15. Donc, dans ces deux petits épîtres-là, on voit toutes les références à la persécution, à l'affliction que les premiers chrétiens de Thessalonique subissent. Et vous souvenez de, on avait vu dans la première épître, c'est à cause de ça que Paul a fui Thessalonique. Paul était en train de voir, il était pour le tuer. Donc, on l'a fait fuir, Paul, on l'a envoyé un peu plus loin, il est allé à Éphèse, il est allé plus loin, afin de protéger sa vie de la mort. Donc, Paul n'écrit pas à des gens à partir d'une tour d'ivoire, parce que lui n'a pas vécu ça. Lui a vécu la persécution, vous vous souvenez, hein, dans le Corinthien qui parle de la privation, la prison, le fouet, il a été lapidé, tout ça. Paul a vécu la souffrance. Donc, qu'est-ce qui l'a encouragé? Lui, il savait que ça pouvait les encourager les autres aussi en même temps. Ici, on va parler de souffrance, de persécution, mais on ne parle pas de souffrance là, parce que votre mari n'est pas gentil, ou que votre femme n'est pas fine, ou on ne parle pas de la souffrance parce que vous avez été moins sage, ou pas assez sage. On ne parle pas de la souffrance parce que vous avez fait des conneries, vous avez roulé à 150 km/h, vous avez fait un accident. On ne parle pas de ça ici. Hein? On ne parle pas de la souffrance qui vient dans nos vies à cause d'autres choses. La souffrance qu'on parle ici est causée par le fait que je suis un croyant. Je crois au Seigneur Jésus. Et à cause que je crois au Seigneur Jésus, je suis persécuté, je suis affligé. C'est ce qu'on parle. Les autres souffrances, c'est une autre chose. Mais là, nous, on parle de ça. Et pour nous autres au Québec, des fois, on va recevoir cet enseignement-là. Des fois, on ne souffre pas beaucoup ou intensément. Mais des fois, l'enseignement peut nous passer par-dessus la tête. Je vous encourage, avec moi, à ce qu'on prenne cet enseignement-là, qu'on la mette dans notre cœur, qu'on... Si on n'est pas sous persécution maintenant en force, si un jour ça vient, ça dans notre vie, la vérité sera là, et faire face. Votre David dit, j'ai mis ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Tout est là dans notre cœur, cette vérité-là, ce matin qu'on va voir, afin que quand Jésus va venir, ou la persécution va venir, excusez, on va pouvoir faire face à ces choses-là, et ne pas abandonner la foi, pour renier le Seigneur, pour éviter la souffrance. Comment faut faire face à la souffrance, ou à la persécution, ou à l'affliction? Comment est-ce qu'on doit réagir en tant que chrétien? Qu'est-ce qui va nous donner la force de persévérer jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui va nous donner la capacité de ne pas lâcher? Parce que je vous garantis, à travers l'histoire de l'Église, vous pourriez lire des histoires et des histoires et des livres de milliers, de centaines de milliers de gens qui professaient la foi, qui ont abandonné pour ne pas souffrir. Finalement, ils ont renié le Seigneur Jésus-Christ, ne pas souffrir. C'est bien facile de dire que j'aime Jésus. Quand l'épée est au bout du cou, c'est notre histoire. Quand le fusil est côté, c'est pas notre histoire. Quand ta femme est morte dans la reine, c'est notre histoire. Quand ton mari est en prison, c'est notre histoire. C'est pas toujours facile de dire j'aime le Seigneur Jésus quand tout ce que tu as, tout ce que tu aimes, vient disparaître de ta vie. Du jour au lendemain, le lendemain matin, tu poses des questions. Où est-ce qu'est mon Seigneur Jésus? Où est-ce qu'est mon Seigneur? J'ai une femme à la Sarre, 30 ans de vie chrétienne, où elle a professé Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Elle a vécu un moment très difficile dans sa vie. Elle dit, Seigneur, si Dieu ne nous aide pas quand on est dans la misère, quand on souffre, s'il ne nous aide pas, ça ne vaut pas la peine. Elle a remis la foi, elle a quitté son mari. C'est parti avec le bonheur. S'il ne nous aide pas quand on a de la misère, hein, qu'est-ce que ça donne? Soyons pas, comme mon père disait, c'est pas ce que mon père disait, c'est votre mère. Crache pas au plafond, parce que ça va se faire tomber sur la tête. En voulant dire, il ne faut pas se moquer des autres, il ne faut pas penser que nous, on est à l'épreuve ou tout ça. Moi, ça ne m'arrivera jamais, ça. Attention. On est mieux d'accumuler la vérité et que l'Esprit de Dieu qui est en nous puisse utiliser la vérité et nous garder ferme. Parce que vous n'avez pas en vous, je n'ai pas en moi la capacité de rester ferme. Il faut que ce soit l'Esprit Saint par la vérité me garde ferme. C'est ce qu'on va voir ce matin. La première chose qu'il nous faut avoir pour faire face à la persécution, on va lire à partir du verset 1, si vous voulez bien. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez savoir ce que je pense de cela, d'aller écouter le premier CD, la première épître aux Thessaloniciens, c'est la même chose, donc je ne vais pas le répéter ce matin. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. On va arrêter là. Quelle est la première chose, la première vertu? On va appeler ça des vertus chrétiennes. Quelle est la première vertu que j'ai besoin pour faire face à la persécution, à la tribulation, à l'affliction et d'être capable d'attendre le Seigneur Jésus-Christ? La première chose, c'est la foi. Il dit, votre foi fait de grands progrès. Ça nous prend la foi. Si on n'a pas la foi, on ne sera pas capable d'attendre. On ne sera pas capable de rester là. Il faut, en même temps, que notre foi fasse du progrès. Il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle avance. La foi, c'est une cuirasse. L'image, je ne sais pas ce mais l'image qui vient me revenir en lisant le mot cuirasse, c'est la même chose que tout à l'heure dans le même film que Troie avec Brad Pitt. C'est comme André, il a reçu un coup d'épée par Hector et ça coupe sa cuirasse. Ça coupe la cuirasse, ça fait une grande ligne dans la cuirasse, mais ça ne l'atteint pas. L'autre. Sa cuirasse l'a protégé contre le coup d'épée. Si elle n'avait pas eu la cuirasse, c'est la mort. Il dit, la foi, c'est une cuirasse. 1 Thessaloniciens 5 dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. » Pour la mettre. Il y avait un professeur qui nous avait dit, quand j'étais jeune étudiant, il a dit, « Ma gang d'imbéciles, j'avais dit ça comme ça, il dit, sortez jamais de la maison le matin sans avoir mis votre cuirasse. » Parce qu'il dit, diable est à la porte, il vous attend. Moi, j'avais répondu, monsieur, je la garde même dans la maison. Parce que je l'ai besoin même dans la maison. Parce que le diable n'est pas juste en dehors de la porte, il est en dedans de la porte aussi. Il est en dedans de la porte. Il faut l'avoir, même quand on dort. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, il faut avoir notre cuirasse de la foi. Parce que l'ennemi va venir. L'ennemi va venir pour nous faire douter. Que Dieu nous aime. On a chanté tout à l'heure, « Ton amour est mon bien. » Ton amour, c'est mon bien. Dieu m'aime-t-il quand il fait mourir quelqu'un? Dieu m'aime-t-il quand je suis persécuté? Dieu m'aime-t-il quand je perds mon emploi? Dieu m'aime-t-il quand les gens se foutent de moi? Dieu m'aime-t-il vraiment? Pourquoi il ne prend pas soin de moi? Son enfant. Là, on a besoin des vérités bibliques pour garder dans la foi. La foi, ça doit faire des progrès. Comment est-ce que ça grandit, la foi? Lucie, d'ailleurs, elle a prié, « Merci, Seigneur, de nous avoir donné la foi. » Est-ce qu'on peut faire grandir la foi que Dieu nous a donnée? Dans un sens, non. Le don de Dieu, le don de la foi, ne peut pas augmenter, parce qu'il ne vient pas de nous autres, ça a été donné. C'est un don gratuit de Dieu. Quand on parle que la foi fait des progrès, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que Paul veut dire aux Thessaloniciens? Je vous demande de le dire, je l'ai dit dans l'autre. Dans l'autre livre. La connaissance. Vous vous souvenez que leur foi était petite parce que Paul a dit fuir, il n'a pas eu le temps de les enseigner. Il y avait une petite foi dans le contenu de la foi. Quand vous lisez votre Bible, le mot foi ne veut pas toujours dire capacité de croire, mais souvent il veut dire contenu de ce que je crois. Il dit, votre foi fait des progrès parce que votre connaissance augmente. Et plus ma connaissance de Dieu augmente, plus ma connaissance de Jésus-Christ, plus ma connaissance de son retour, de sa venue, de ce qui va arriver pour moi, plus je suis fort. Quand il dit là, dans 1 Pierre, résiste-lui avec une foi ferme. À qui dit ça? Si on est chrétien, de résister à qui? Au diable. Avec une foi ferme, et il va fuir loin de vous. La foi, là, c'est pas juste la capacité de croire, c'est de croire en ce que Dieu a dit. Mais si je ne sais pas ce qu'il a dit, comment je vais faire pour y croire? Donc, la vérité, pour le chrétien, ce qui est le plus important, le plus pressant, si je peux dire même, c'est d'accumuler la connaissance, afin que quand le diable va venir avec un mensonge, la vérité va être là, le Saint-Esprit va dire « Nana! » Quand la vérité est là, non, c'est ça la vérité. Mais si la vérité n'est pas dans mon cœur, qu'est-ce qui va arriver? Je vais douter, je vais planter, je vais t'ébranler. Et là, ça m'arrive encore, ça va vous arriver encore. Dans ce temps-là, partez vite en courant, vous tenir après quelqu'un qui ne branle pas. Allez vous tenir après quelqu'un qui ne branle pas. Qui connaît cette vérité-là que j'avais besoin d'entendre. J'ai besoin. Moi, j'avais dit à un jeune pasteur qui travaillait dans l'église où j'étais, j'ai dit, comment veux-tu qu'on se tienne après toi? Tu branles. Tu branles tout le temps. Tu n'en assures de rien. Mais si tu as une foi ferme, des vérités, on peut se tenir après toi. Dis-nous les vérités pour qu'on tienne la vérité. Parce que quand on est un jeune chrétien, on en connaît comment la vérité? Tu sais? L'ennemi attaque. Ça nous prend quelqu'un pour nous aider. Ça nous prend quelqu'un pour nous aider. Je dis, écoute, François, oui, t'es arrivé ça. Oui, ça dit ça. Oui, t'as un doute. C'est correct, t'as eu un doute. Mais voici la vérité qui va avec. Pour contrefaire le doute qui vient de ta vie de ce moment. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Donc, il dit, je me réjouis de voir que votre foi fait de grands progrès. C'est un grand progrès. Et comme ça, je sais que vous allez persévérer. Plus votre foi va faire des progrès, plus je sais que vous allez persévérer jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. La foi, c'est comme j'aimerais que vous lisiez ça ici, si vous voulez bien. Ce qui est dans le petit carreau à vous. La foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a promis et non de faire ce que je dis. Retenez cette vérité-là, mes frères et sœurs, c'est très bien. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu va faire ce que je dis, mais c'est de croire qu'il va faire ce que Dieu a dit. Parce qu'il y a un paquet d'affaires que moi je dis, qui jamais arrivé, qui n'arrivera jamais. Mais la foi, c'est Dieu m'a donné la foi pour que je puisse croire en ce que lui a déclaré, en ce que lui a dit. Pas dans ce que tout le monde dit. Pas dans ce que moi j'aimerais qu'il arrive, pas dans ce que moi je penserais qu'il devrait arriver, mais dans ce que lui a dit. La deuxième vertu chrétienne, au verset 3, deuxième vertu chrétienne, il dit, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. La deuxième vertu que nous avons besoin pour être capable d'attendre le Seigneur Jésus-Christ, d'accepter la persécution, accepter l'affliction à cause du nom de Jésus-Christ, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Vous ne pouvez pas vous isoler. Plus je me sens aimé, et plus les frères et sœurs m'aiment, et plus moi je les aime, les frères et sœurs, automatiquement, je vais être plus capable de résister au mal. Jésus a dit dans Jean 15, « Le monde va vous haïr. Mais rappelez-vous que je vous aime et aimez-vous les uns les autres. » C'est ça, ça, ça. Parce que il y a une vérité qui dit, un chien qui chantait ça, « Le monde ne peut pas vivre sans amour. Le monde ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre. » Prenez un enfant, donnez-lui tout ce qu'il devrait être oublié à Noël, et si vous ne l'aimez pas, ça va faire un schizophrénie quelque part. L'enfant n'a pas besoin de bébelle, c'est mal dans le nez, mais c'est pour ça, c'est pas un besoin fondamental. Le besoin fondamental, c'est qu'ils savent qu'il est aimé. Si vous réussissez à aimer, tout est convenu. Et je crois que si on se sent aimé, si on s'aime les uns les autres, on se donne la main, on s'entraide à attendre un petit peu de Dieu. Plus on se fait du tort mutuellement, plus on se nuit, plus on se donne des coups de pied sur les cannes à Dieu même, parce qu'en faisant mal aux frères et sœurs, on se fait du mal à nous-mêmes, parce que ça nous empêche d'être capables de travailler avec les autres pour attendre le Seigneur Jésus. Donc il dit, votre amour augmente de plus en plus. De plus en plus. Et j'ai écrit, si on va juste le lire ensemble, parce que moi, dans ma tête, à moi, le mot amour, il est tordu, parce que j'ai été élevé avec une mauvaise définition de l'amour. Mais ça, c'est l'amour dans la Bible. L'amour dans la Bible. J'aimerais qu'on... On est-tu capable de le lire ensemble, à voix haute, tranquillement, ensemble? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne se fout point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ça, c'est l'amour selon la définition de Dieu. Ça, c'est l'amour selon la définition de Dieu. Et c'est avec cet amour-là que Dieu nous encourage à nous aimer les uns les autres, d'augmenter ça, afin de pouvoir être capable de résister dans les moments de difficulté, de persécution et d'affliction. Une troisième vertu chrétienne, au verset 4. Au verset 4. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Une troisième vertu, c'est la persévérance. Persévérance. Des synonymes. Avez-vous des synonymes de la persévérance? Patience. Dans le grec, c'est le même mot. Patience, persévérance, même mot. Le mot patience, c'est pas être patience dans le trafic. Hein? On ne parle pas de ça, là. C'est d'être patient avec le retour du Seigneur. D'être persévérant jusqu'à temps. La vigilance. On est vigilant. On attend quelqu'un. Puis on dit, bon, ça prend trop de temps, je m'en vais. Non. Quelqu'un qui est vigilant, il va rester là jusqu'à temps que ça arrive. Soyez persévérants. Vous savez, Jacques, il dit, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. L'Épître aux Hébreux dit que la foi sans la persévérance est morte. Elle est vaine. L'Épître aux Hébreux dit que si vous avez la foi et que vous ne persévérez pas dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. C'est inutile. C'est inutile. Parce que une vertu de la foi, une des capacités de la foi, une des attributs de la foi, c'est la persévérance. C'est la foi qui me fait persévérer. Donc, si je ne persévère pas, je suis en train de dire que je n'ai pas la foi. Si tu me dis, je vais arriver à 11h, puis tu n'es pas arrivé à 11h, puis je m'en vais, hein, c'est parce que je crois que tu ne viendras pas. Toi, tu ne viendras pas. Donc, je suis en train de dire, tu as dit que tu viens à 11h, mais c'est pas vrai, tu viens, fait que je m'en vais. Je ne crois plus en toi. Tu n'as pas dit la vérité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, si tu me renies, je vais aussi te renier. Si tu n'es pas fidèle, moi je vais être fidèle à ce que tu dis. Donc, la persévérance, ça fait partie des attributs ou des vertus chrétiennes. Regardons quelques versets ensemble, si vous voulez bien, qui vont nous montrer comment on va acquérir de la persévérance, comment on va augmenter notre persévérance ou fortifier notre persévérance. Matthieu 10, 22. Vous pouvez lire? On a bien de la misère avec ça des fois. Oh, on est sauvé toujours. Ouais. Mais en même temps, tu dis, je dois persévérer toujours. On va ensemble, hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer les deux. Luc 21, 19. Luc 22, 28. On en fait encore deux, trois. Acte 14, 22. De Timothée 2, 12. Hébreux 6, 12. Donc, est-ce que c'est assez clair, là, hein? Tous les versets qui disent que c'est la persévérance doit accompagner la foi. Et la foi doit accompagner la persévérance. Ça doit aller ensemble. Ça, c'est indissociable. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est ce qui est arrivé. C'est sûr que l'Épître aux Hébreux, c'est un des livres qui en parle le plus. Parce que les chrétiens de l'Épître aux Hébreux étaient en train d'abandonner la foi, étaient en train de renier le Seigneur. Et le Seigneur, Paul le dit, si vous faites cela, vous êtes perdus. Si vous faites cela, vous êtes perdus. Si vous retournez en arrière, vous êtes perdus. Si vous abandonnez ce que vous avez professé, vous êtes perdus. Il ne dit pas, vous perdez votre salut. Il dit simplement, vous êtes perdus. Ici, il dit, je me réjouis dans le ventre toutes les églises de votre persévérance malgré les persécutions, malgré l'affliction, malgré que c'est difficile, vous avez persévéré jusqu'à aujourd'hui. Quand Paul écrit, et je suis content, et je m'en glorifie dans tout le monde de voir votre persévérance. La persévérance, regardez bien ce qu'il dit là, c'est assez drôle à voir. Romains 5, 3, quelqu'un veut lire ça? C'est drôle, hein? Qu'est-ce qui produit ici la persévérance? L'affliction. L'affliction va produire la persévérance va vous permettre de supporter l'affliction. Ça va ensemble, ça. L'affliction que nous, souvent, on veut fuir, c'est ça qui va nous aider à avoir la persévérance. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, regardez les différentes épreuves comme un sujet de joie, hein? Parce que ça va vous aider à être patient. Ça va vous aider à être patient. Si on est persécuté à cause du Seigneur, il ne faut pas fuir la persécution, il faut l'accepter. Il ne faut pas la provoquer, il faut l'accepter. Parce que la persécution va m'aider à avoir la persévérance. Et si j'ai la persévérance, la roue va se compléter, ça va m'aider à supporter la vie. Quand le Seigneur nous donne des afflictions, ou permet des afflictions à cause de notre foi, remercions-le, parce qu'il veut notre persévérance. Il veut notre persévérance. C'est pas quand c'est facile qu'on persévère. Il semblerait que c'est quand c'est compliqué. J'ai déjà dit, j'ai rencontré un pasteur russe une fois qu'il est venu au Québec. Il avait été échangé aux États-Unis contre un prisonnier diplomatique russe. Il y avait un diplomate russe aux États-Unis en prison. Et il y avait ce missionnaire-là en Russie, qui était en prison. Il y a eu un échange politique entre les deux. Et ce missionnaire-là s'est ramassé ici aux États-Unis, au Canada. Il a commencé à faire des voyages pour soulever des prières et de l'argent pour aider les chrétiens russes. Nous, on lui avait demandé, comment est-ce que vous faites pour persévérer dans tant de difficultés, dans la prison? Il nous comptait des affaires abominables, horrifiantes. Dans les prisons avec les chrétiens. Ah, c'est pas grave. Nous, non seulement, comment vous faites pour persévérer ici au Canada avec tant de facilité. Nous autres, on a juste ça, on a juste ça, on s'accroche à ça. On a juste le Seigneur Jésus-Christ, on s'accroche à ça, on n'a pas d'autre chose. Mais vous autres, vous avez tellement, non seulement des fois, il dit, vous autres, vous priez pour nous autres, puis là-bas, ils ont plus tout pour vous autres. Ah, c'est correct. Donc, les prières se rencontrent à quelque part, là, on prie les uns pour les autres. Mais tu vois, ils se demandaient comment est-ce qu'on fait. Il y avait des petites bibles, j'en ai déjà eu une, je l'ai donné à quelqu'un. Il y avait des petites bibles, là, c'était l'évangile de Marc, en plastique, tout plastifié, pour pouvoir l'acheter dans le bol de toilette, pour la mettre dans la neige, en quoi qu'il se faisait pogner. Il mettait tout ça, il lançait dans le réservoir de toilette. Oui, il mettait dans la neige, il mettait le pied dessus, ça avait été en papier. Et ça avait été fini. J'ai vu que c'était tout plastifié. Ça résistait à l'eau. Il y avait juste des petits évangiles de Marc. Ils ont passé notre temps à lire ça dans les cellules. Tout lire. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça, votre plus grande espérance? Il dit, tout ce qu'on espérait dans ces trous-là, c'est Jésus qui était. Viens me chercher. Tout ce qu'on disait, viens me chercher, Seigneur. Viens me chercher. Alors, de retour au Seigneur. Oui, la difficulté nous pousse à désirer sur sa volonté. C'est pas la facilité. Quand c'est trop facile, on dit, Seigneur, tu peux attendre encore un petit peu, ça va bien. Je vais prendre ma retraite avant. Attends-moi un petit peu. Non. C'est pas mal, toutes ces choses. Je peux prendre dessus, c'est le Seigneur. Il y a une autre vertu, c'est la dernière. est trop longue, je vais la sauter. C'est la plus longue, donc on va attendre pour la prochaine fois. C'était l'espérance. On va regarder ça la semaine prochaine, l'espérance. Cette belle qualité, cette vertu chrétienne qui va nous aider. L'espoir. Tant qu'il y a d'espoir, il y a de la vie. Hein? Tant qu'il y a d'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il n'y a plus d'espoir. Ma mère était une femme suicidaire. Et quand j'ai demandé une fois, comment est-ce que tu te sens quand tu viens pour faire ça? Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur pour arriver au point de désirer te suicider? Et tu veux désirer le fait. À quelques reprises, j'ai tenté de dire. Elle dit, je me suis enfermé dans une chambre. Et elle dit, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de chaussée, c'est noir. Il n'y a plus aucun espoir de sortir de là. Donc c'est lui noir. Plus d'espoir. Mais c'est la vie, c'est la vie, un petit trou gros de même dans le corps. C'est un petit peu de lumière, espérant que quelqu'un aurait pu venir faire de quoi dans sa vie, ou elle-même faire de quoi, elle aurait vraiment continué à vouloir grandir le tout de sortir de lui. Mais il n'avait plus de chose. Il avait de la misère à comprendre ça. Jusqu'à tant que moi, je vis la dépression, et que moi aussi, je t'en suis sûr. Là, je comprenais ce qu'elle avait dit. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Et quand tu as plus d'espoir, la vie vaut plus la peine d'être vivante. La vie chrétienne, c'est pareil. Quand j'ai plus d'espoir dans la vie chrétienne, ça ne vaut pas la peine de la vie. Prions. Notre Père du ciel, merci pour ces vertus, la foi, l'amour, la persévérance. Merci parce que c'est toi qui nous les donnes, c'est toi qui nous les produis en nous. On te demande que la vérité puisse être en nous, Seigneur, abondamment. On a vu tout à l'heure que la vérité va faire augmenter notre foi. La vérité va nous donner une plus grande amour les uns pour les autres. La vérité va nous donner de la persévérance. Nous allons voir la semaine prochaine que la vérité va nous donner de l'espérance. Oh Seigneur, notre Dieu, attache-nous à toi. Attache-nous à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous allons abandonner aujourd'hui. Garde-nous, car tu es le seul fidèle, tu es le seul fidèle. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous allons chanter le dernier cantique, si vous voulez bien. Que ma vie te glorifie. semaine à chacun de vous. Gracias.